Exercice 13, page 161. Depuis quelques années, à cause du changement du climat, ils doivent aller vivre de plus en plus loin, de plus en plus haut. Peut-être qu'un jour, ils devront habiter seulement dans le ciel. Ne jamais s'arrêter de voler. Ne jamais se poser.